L'attente. C'est le matin, le premier matin, celui de 6h30. On ne se lève que les personnes âgées désireuses de profiter de chaque rayon du soleil, les sportifs acharnés qui veulent s'agiter avant de vaquer à leur occupation, les travailleuses de l'aube, invisibles lutins, et les robots insomniaques qui se dégourdiraient bien les jambes si elles en avaient. J'ai été un robot serviteur, employé dans un établissement dans lequel on regroupait jadis les personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et je ne suis guère plus qu'une borne interactive qui délivre des informations à qui daigne les demander. Mes roulettes sont encrassées depuis si longtemps que je ne sais même plus de quelle façon je les activais. J'ai bien demandé des réparations, mais ça n'était pas la priorité. Ils ont tout misé sur l'accessibilité pour les humains, quels qu'ils soient, et nous, robots, ne faisons pas partie du projet. Maintenant que les vieux humains ont intégré des unités familiales intergénérationnelles, les UFI, où on peut trouver leur famille ou d'autres, les familles d'accueil, il n'y a plus ces besoins que je remplissais. Alors je me tiens là dans un tipi. Je donne la météo du jour, l'heure, la date, les actualités à celles qui me demandent et j'essaie d'attirer l'attention des plus perdus. Hier, j'ai sympathisé avec un petit garçon qui semblait dans son monde, bien à lui. Il a pianoté sur mon poitrail clavier et nous avons bien rigolé. J'espère qu'il reviendra ce matin ou le suivant. Je l'attends.